Le mouchoir d'une reine, chronique anglaise, par Philibert Audebrand. Chapitre 1er, au coin du feu. Fête à Windsor. Ces mots, jetés dans les rues de Londres par Richard Cowper, suivis de ses trompettes jurées, réjouissaient d'ordinaire l'immensité. Mais en cette année 1510, ils n'avaient pu effacer complètement l'effroi qui faisait pâlir tous les visages. Un prince aussi capricieux que farouche régnait alors sur l'Angleterre. Nous avons nommé Henri VIII, théologien cruel et mari redoutable dans ses accès de sombre jalousie. Ce roi, autrefois presque aussi galant que François Ier, son rival de gloire, avait depuis plusieurs années déjà changé de mœurs et il faisait asseoir la terreur à côté de lui sur le trône. Le soir dont nous parlons cependant, deux dames, qui par la force d'une insouciance naturelle semblaient échapper à la tristesse qui posait son pied morose en tout lieu, se trouvaient dans l'un des appartements du palais assises chacune sur l'un de ces grands fauteuils à dossiers sculptés que Diane de Poitiers venait de mettre à la mode par toute l'Europe. Elles causaient nonchalamment devant un feu clair et bien nourri. Il faudrait, pour tracer le portrait de nos causeuses, le pinceau de l'Albane ou le crayon du peintre anglais Lawrence. L'une d'elles, ravissante sous sa robe de velours entourée de broderies, était Frances de Gonor, duchesse de Cambridge et dame d'Atour. L'autre, plus grande, mais non moins folle de sa parure, n'était autre que cette Catherine Howard, épouse malheureuse et reine infortunée. « Il est vrai, » demanda Frances, en faisant jouer les lames de son éventail, « il est vrai, Majesté, vous avez fait cette équipée hier au soir. »« Hier au soir, à la nuit tombante, » répondit Catherine. « Ah, si le roi le savait !»« Si le roi le savait, Frances, ses soupçons jaloux seraient capables de mettre tout Piccadilly en état de siège. Et vraiment, ce serait trop pour une bagatelle. » « Ne me conterez-vous donc pas cette aventure, Majesté ?»« Je le ferai volontiers, mais à une condition. »« Laquelle ?»« C'est que vous n'en direz jamais rien, Frances, pas même à votre petit doigt. »« Pour ce qui est de cela, » reprit la duchesse d'un petit air boudeur, « la reine sait bien qu'elle peut se confier à moi en toute assurance et que la discrétion est mon fort. Je jure donc de ne dire jamais rien, même à mon petit doigt. »« Fort bien, Frances. » Catherine, à ces mots, tourna légèrement la tête du côté de la tapisserie, afin de voir si elle n'était pas épiée. Après cette précaution indispensable à une aussi sanglante époque, les deux amies rapprochèrent leurs fauteuils l'une et l'autre, et la reine s'apprêta à parler. « Vous savez, Frances, » dit-elle, « qu'hier le roi va me trouver dans l'après-midi. »« Il fait un peu de soleil, Cathy, » me dit-il. « Mettez votre costume d'Amazone, montez à cheval. Nous irons nous promener au-delà de Piccadilly sur la place d'Édouard le Noir. » Nous partîmes. La cour, presque toute entière, nous attendait déjà au lieu de rendez-vous. Lord Surrey, notre poète favori, Lauderdale et deux autres jeunes seigneurs, engagèrent une passe d'armes du plus charmant effet. Mes femmes et moi, nous jetions toutes les roses de nos bouquets aux combattants lorsque la trompette sonna tout à coup, c'était le signal du départ. « À Windsor ?» s'écria le roi. Mais voilà qu'à cette heure fixée pour le retour, le ciel se rembrunit. Une pluie battante accueille le cortège. Les chevaux s'enfuient en désordre, le mien surtout, se trouvant au détour d'une rue, m'emporte loin de mon royal époux. La nuit, prompte à venir en cette saison, descendait déjà sur Londres. Éperdu et trempé de pluie, j'allais sans savoir où et cherchant en vain le chemin qui menait au palais. Tandis que je m'orientais de la sorte, la porte d'un assez vaste hôtel s'ouvrit à double battant. Tout en même temps, une voix inconnue me glissa ces mots à l'oreille « Entrez, madame !» Un instant après, j'étais dans une cour déserte et où l'herbe poussait entre les pavés. Un grand jeune homme blond, tenant mon cheval par la bride, m'aidait à descendre et me montrant du doigt un petit perron. « N'ayez aucune crainte, madame, » me disait-il. « Vous trouverez par ici bon feu, bon gîte et, si j'ose le dire, bonne compagnie. Ce petit perron vous conduira au lieu où l'on vous attend. » Je suivis ce conseil. Je ne tardais pas à me trouver au bout d'une sorte d'antichambre et de là, dans un appartement assez spacieux. Autour du feu égayé de flammes pétillantes se trouvaient deux femmes d'âge et de maintien différents. Une vieille dame vêtue de noir qui lisait la Bible et une jeune fille habillée d'étoffes moins sombres qui brodait au tambour. Ces deux personnes et le jeune homme qui était venu les rejoindre formaient une petite famille dont l'accueil me parut plein de cordialité. « Ou je me trompe fort, ou madame est de la cour, » dit la jeune fille sans quitter son travail. Si cela ne se voyait pas à la richesse de ses parures, cela se devinerait encore à la distinction de ses manières. « Oui, » répondis-je, « je tiens au château de Windsor. » Ah, madame est une belle personne, fit à son tour observer la vieille femme. Si elle n'est pas la reine, il est à croire qu'elle lui tient de fort près. Je dois encore en convenir, repartis-je, désirant garder le plus strict incognito. Je suis une des meilleures amies de la reine. La duchesse de Cambridge, peut-être ? Précisément. On roula alors une petite table de noyer au milieu de la chambre, et la bonne vieille, qui paraissait s'occuper spécialement des soins du ménage, improvisa un couvert simple, mais d'une exquise propreté. « Mon Dieu, madame, si nous osions !» demanda le jeune homme en tournant vers moi un regard suppliant. « Eh bien oui, j'accepte de grand cœur, » répondis-je, comprenant qu'un refus eût attristé ces bonnes gens. « Ah, madame est bien bonne !» s'écria la jeune fille avec de grandes démonstrations de joie. « Mais que madame se rassure, elle ne fera pas un mauvais dîner pour cela. Voici à la broche trois paires de riz rouges qui nous ont été apportées ce matin même par notre oncle de France. » Je ne sais si je me suis trompé, mais il me sembla qu'au moment où cet enfant prononça ces mots « notre oncle de France », un frisson involontaire parcourut tous les membres de la vieille femme. Je crus même un instant qu'elle allait laisser tomber à terre les assiettes qu'elle tenait à la main, mais par bonheur, cet incident n'eut pas d'autre suite. On se mit à table. Le repas, arrosé de vin de malvoisie et assaisonné du sel de la plus franche gaieté, me parut aussi confortable qu'un festin de grand apparat au château. Quand nous eûmes mangé les perdrix et qu'on fut arrivé au dessert, je vis que le jeune homme tendait son verre de mon côté. Il voulut me faire l'honneur d'un toast. « À la santé du roi !» m'écriai-je en le prévenant. « Oui, sans doute, oui, madame, à la santé du roi !» murmura la vieille femme en reprenant son air triste. « Le roi Henri a droit à notre premier hommage, mais la reine, ne faut-il pas boire un peu à la santé de la reine ?» En achevant ces mots, elle remplit elle-même son verre, puis elle ajouta. « Ah, les reines ont besoin qu'on fasse souvent des soins pour elles, je le sais, moi. Allons, mes enfants, God save the queen, que Dieu sauve la reine !» Je vis les verres s'entrechoquer, et ses vœux, qu'on formait devant moi pour mon bonheur, me touchèrent jusqu'au fond de l'âme. À un moment, je fus sur le point d'éclater, mais comme il se faisait tard, je prétextais de l'inquiétude qu'une absence plus prolongée ne manquerait pas de causer pour sortir de table et prendre congé de mes hôtes. La jeune fille, s'étant assise, avait repris sa broderie. Quant à la vieille dame, entraînée sans doute par la force d'habitude, elle cherchait déjà des yeux sa Bible entr'ouverte. L'heure était venue de me retirer. Je ne voulais pas partir cependant sans laisser à la petite famille un témoignage de ma gratitude. Je portais par instinct la main à mon aumônière. Le hasard voulait qu'elle fût vide en ce moment, mais elle eût regorgé de pièces d'or que je n'aurais pas osé en offrir à des autres qui paraissaient jouir d'une honnête aisance. « Braves gens, leur dis-je, le temps presse, il faut que je vous quitte. Je vous dois un service en échange de la généreuse hospitalité que vous m'avez offerte ce soir. » J'ai quelques crédits à la cour. S'il est quelque chose que vous désiriez, dites-le en toute confiance. Je m'en occuperai avec le plus grand plaisir. Mille fois merci, madame, reprit la vieille, mais toute prière de votre part serait superflue. Il est une requête que j'ai présentée à plusieurs reprises, mais sans espoir. Je demandais que mon fils eût la faculté de ne pas succéder un jour à feu son père, mais il paraît que le roi Henri lui-même n'aurait pas le pouvoir de faire qu'il en fût autrement. « Allons, ma mère, » objecta le jeune homme, « laisse là ces plaintes éternelles. Ce qui est écrit, je serai ce qu'a été mon père, puisque telle est la volonté du ciel. Qu'il n'en soit plus jamais question à l'avenir. » Ces paroles, qui cachaient certainement quelques mystères impénétrables pour moi, ne faisaient que m'encourager dans la pensée de reconnaître le bon office de cette petite famille. Et tandis que le jeune homme sortait pour seller mon cheval, je renouvelais mes offres. « Mais si madame désire tant nous être agréable, « cela est bien facile, » dit à son tour la jeune fille, « qu'elle promette de revenir nous voir. Ce sera la manière la plus certaine de nous faire plaisir. » Là-dessus, s'interrompant tout à coup, elle prit familièrement le mouchoir de fine dentelle de Flandre que j'avais à la main et le posant sur son tambour, elle le décora en toute hâte d'un gracieux feston. Quand elle eut fini, je jetai un coup d'œil sur cette broderie improvisée. C'était une pensée placée à l'un des coins. « Voici une fleur. » dit-elle, une pensée. Que madame, dans ses heures de loisir, en brode une toute semblable, et qu'ensuite elle rapporte son mouchoir. Madame pourra demander la maison verte. Tout Piccadilly la lui indiquera. Je vous en fais la promesse, ajoutai-je, et cette promesse sera pour moi une dette d'honneur. Je sortis à ces mots, et lorsque je fus arrivé dans la cour, je trouvai le jeune homme qui, après avoir équipé mon cheval, m'ouvrit la grande porte en renouvelant la prière de sa sœur. Presque au même instant, un bruissement soudain résonna autour de moi. C'étaient trois écuyers du château que Sa Majesté avait envoyés à ma recherche. Peu de temps après, je rentrai à Windsor, cachant mon mouchoir dans mon sein. « Ce mouchoir, le voilà, Francis. Vous voyez la pensée, qui est du travail le plus délicat. L'un de ces jours, j'en broderai un tout semblable et j'irai, suivant ma promesse, porter ce petit colifichet à la jeune fille. » La reine venait de terminer son récit. Au même instant, un pas lourd et sourd se fit entendre sur le tapis. « Voici le roi !» dit Catherine à voix basse. Les deux femmes, en effet, virent une porte s'ouvrir dans le fond de l'appartement et un personnage chargé d'embonpoint, le corps couvert d'un manteau doré, s'avança vers elle. Henri VIII, car c'était bien lui, fit une double révérence et prenant chacune des dames par la main, il s'écria d'un ton moitié ironique, moitié galant. « Allons, mesdames, trêve à vos petites causeries. Tout est prêt pour la fête. Veuillez me suivre. On n'attend plus que vous pour engager les quadrilles. »